إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ففي هذا الدرس الثاني والأخير سنتحدث إن شاء الله تعالى عن شهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc dans ce deuxième et dernier cours, dans cette parole, nous allons entamer le sujet de l'attestation que Muhammad صلى الله عليه وسلم est le messager d'Allah. وهذه الكلمة مأخوذة من شرح الأربعين النووية للحديث الثاني فيه لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن الصالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. Et cette parole qui va suivre est tirée du commentaire des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, plus précisément du deuxième hadith de cet ouvrage du grand savant, le Cheikh Muhammad ibn Salih ibn Uthaymeen, رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله شهادة أن محمدا رسول الله تستلزم أمورا منها. Donc il dit qu'Allah lui fasse miséricorde que l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comporte ou en découle plusieurs points, parmi lesquels الأول premièrement تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر بحيث لا يكون عند الإنسان تردد فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم بل يكون قلبه أشد مما نطق بل يكون في قلبه أشد مما نطق. Donc confirmer toute information nous provenant du messager sallallahu alayhi wa sallam, de sorte que la personne sur ces informations n'ait aucun doute sur l'information du prophète alayhi salatu wa sallam. Plus encore, dans son cœur, il est encore plus sûr de l'information du prophète alayhi salatu wa sallam que ce que sa propre langue formule. كما قال عز وجل في القرآن إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. كما الله عز وجل dit dans le Coran dans le sens du verset et c'est une vérité comme ce que vous prononcez. فالإنسان لا يشك فيما ينطق به كذلك ما ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نشك فيه. L'être humain, la personne, ne doute pas sur ce qu'elle a formulé, sur ce qu'elle a dit comme parole. De même, il n'a aucun doute sur les paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa na'lamu annahu al-haq. Et nous savons, et nous avons la certitude que c'est bien la vérité. Lakin baynana wa baynahu mafawuz wa huwa as-sanad. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أمامنا لكن إذا ثبت الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجب علينا تصديقه. Mais il y a plein d'étapes pour atteindre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est la chaîne de narration. Et c'est la chaîne de narration. Car le prophète alayhi salatu wa sallam n'est pas face à nous. Il est mort alayhi salatu wa sallam depuis très longtemps. Et entre nous et lui, il y a les chaînes de narration. Donc, lorsque la chaîne de narration est authentique, c'est un devoir pour nous de confirmer et de reconnaître les paroles du prophète, alayhi salatu wa salam. Idhan, kullama ja'ana hadith anis al-Nabi alayhi salatu wa salam wa hakama alayhi al-muhaddithun bis-sihha فعلينا التصديق وقبول ذلك. Donc toutefois que nous provient ou vient à nous un hadith du prophète alayhi salatu wa salam dont les savants du hadith, les spécialistes de cette science du hadith jugent l'authenticité et que le hadith est bon et est acceptable, on se doit de le confirmer et de l'accepter. الثاني deuxièmement امتثال امره صلى الله عليه وسلم ولا نتردد فيه. On se doit d'appliquer l'ordre du messager صلى الله عليه وسلم sans aucune hésitation. لقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Pour la parole d'Allah le Très-Haut dans le sens du verset, et il n'était pas permis à un croyant ni à une croyante, lorsqu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, qu'ils en viennent à décider d'eux-mêmes. فإذا جاءنا أمر من الله وأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام ما علينا إلا أن نمتثل به إن كان أمرا بفعل فعلناه بقول قلناه بنهي انتهينا عنه. Donc toutes les fois on a un ordre venant d'Allah تبارك وتعالى et de son messager عليه الصلاة والسلام, on se doit de l'accepter et de le mettre en pratique sans aucune hésitation. Si c'est une action qui est demandée, on se doit de l'accomplir. Une parole qu'il faut dire, on se devra de la dire. Ou c'est une interdiction, on se devra de s'abstenir et de s'éloigner de cette chose. ولهذا أقول من الخطأ قول بعضهم إنه إذا جاءنا الأمر من الله ورسوله بدأ يتساءل فيقول هل الأمر للوجوب أو للاستحباب. Et le cheikh dit, et je viens dire là que c'est la parole de certains est une erreur lorsqu'ils disent si un ordre ou une chose nous vient d'Allah et de son messager, on se doit d'abord de se poser la question: est-ce que ce qui est demandé dans cet ordre fait de cet ordre une obligation ou seulement un acte recommandé? C'est-à-dire la personne, elle se pose la question dès le début. Mais c'est cet ordre-là, c'est-à-dire que c'est une obligation ou c'est seulement recommandé? Le cheikh dit, ça c'est une erreur. D'agir ainsi, c'est une erreur. كما يقوله كثير من الناس اليوم, comme le disent beaucoup de gens de notre époque. وهذا السؤال يجب طرحه وألا يورد. Et cette question, il faut la délaisser et il ne faut même pas la présenter. لأن الصحابة رضي الله عنهم إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يقولون يا رسول الله هل الأمر للوجوب أو الأمر للاستحباب أو غير ذلك car les compagnons رضي الله عنهم lorsque leur venait un ordre du prophète alayhi salatu wassalam ils ne se posaient pas cette question en disant ô messager d'Allah cet ordre c'est pour une obligation ou alors un acte recommandé ou autre chose بل كانوا يمتثلون ويصدقون بدون ان يسالوا mais plutôt ils se pliaient à ses ordres il les confirmait sans se poser ce genre de questions وهكذا يكون المسلم لان افضل المسلمين بعد الانبياء هم الصحابة رضي الله عنهم وأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أمتي هم الصحابة رضي الله عنهم الذين أخذوا عنه الإسلام ومن أراد أن يكون مسلما على الحقيقة فليمتثل بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم Voilà comment étaient les compagnons les meilleurs des musulmans après les prophètes les plus proches du prophète alayhi salatu wassalam de cette communauté. Voilà comment ils agissaient face aux ordres du prophète alayhi salatu wassalam. Celui qui veut devenir ou qui veut être un musulman exemplaire, il se doit de suivre leur chemin et d'agir comme ont agi les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. نقول لا تسأل وعليك بالامتثال nous disons ne te pose pas la question mais plutôt plie-toi à cet ordre et applique-le انت تشهد ان محمدا رسول الله فافعل ما امرك به toi tu témoignes de l'attestation que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah alors accomplis ce qu'il t'ordonne. Wa subhanallah. يعني هؤلاء تراهم يستعملون هذه الأساليب أمام الآيات القرآنية وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وفي حياتهم اليومية لا يفعلون هذا. أخطر ما نراه عند بعض الفرق والأحزاب المخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وعندهم من الانحرافات ومن البدع ما الله به عليم فتراهم يمتثلون أوامر أمراءهم وزعماءهم بدون تردد وبدون طرح هذا النوع من الأسئلة ثم إذا جاءهم الأمر في القرآن أو في الحديث يسألون هذا النوع من الأسئلة والله المستعان. Et on voit des gens se poser ce genre de questions face aux versets coraniques et aux hadiths du prophète عليه الصلاة والسلام alors qu'ils n'agissent pas ainsi dans leur vie de tous les jours. Pire que cela, dans certaines sectes et parties égarées, déviant de la voie du prophète alayhi salatu wassalam, face aux ordres et aux décisions qui leur proviennent de leur maître à penser ou de leur leader, ils accomplissent ces ordres sans aucune hésitation. Et ils ont de l'hésitation face aux ordres d'Allah et aux ordres de son prophète, alayhi salatu wassalam. Wallahu al-musta'an. Wa fi halati ma إذا وقع الإنسان في مسألة وخالف الأمر فهنا له الحق أن يسأل هل هو للوجوب أو لغير الوجوب، لأنه إذا كان للوجوب وجب عليه أن يتوب منه لأنه خالف، وإن كان لغير الوجوب فأمره سهل. Et au cas où, dans une situation dans laquelle la personne a contredit l'ordre d'Allah et de son prophète, alayhi salatu wassalam, là il est en droit, ce moment-là, parce qu'il a fait le contraire de l'ordre, là il est en droit de poser la question, est-ce que cet acte dans cet ordre est une obligation ou seulement un acte recommandé ? Pour savoir les conséquences de cette contradiction et de ce délaissement qu'il a eu, si c'était une obligation, alors là, il se devra de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si ce n'était pas une obligation, alors la question, elle est bien plus simple. C'est à ce moment-là qu'il se doit de se poser la question, mais non pas face à l'ordre de se poser cette question comme si je ne le fais que si c'est obligatoire. Si ce n'est pas obligatoire, je ne le fais pas. Il est où le respect des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et des paroles du prophète alayhi salatu wa salam. Thalithan, troisièmement, an yajtaniba ma naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anhu biduni taraddud. Troisièmement, il se doit de délaisser, de s'éloigner de tout ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit sans aucune hésitation. La yaqul, hadha laysa fil Qur'an fayahlak. Qu'il ne vienne pas à dire, ceci on ne le retrouve pas dans le Qur'an, et là il sera perdu. Wa hadha khata'un azim. Fal Islam مبني على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. L'islam est bâti sur ce qu'on retrouve dans le livre d'Allah, le Coran, et dans la sunna de son messager عليه الصلاة والسلام. لأن السنة تعتبر وحي كالقرآن. Car la sunna, elle est considérée comme une révélation. Elle est au même stade que le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu fi kitabihi al-aziz wa anzalna ilayka al-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Et nous avons fait descendre sur toi le rappel pour que tu expliques aux gens, pour que tu clarifies aux gens ce qui leur a été descendu et afin qu'ils réfléchissent. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرِ هُنَا الذِّكْرِ هُوَ السُنَّةِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ هُوَ الْقُرْآنِ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Nous avons fait descendre sur toi, nous t'avons révélé, le rappel ici, c'est la sunna, pour que tu puisses expliquer aux gens ce qui leur a été descendu, qui est le Coran, et afin qu'ils réfléchissent. وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Et Allah nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, en parlant du prophète alayhi salatu wassalam, et il ne parle pas de par sa passion, mais ce n'est qu'une révélation qui lui a été révélée. وأيضا في قوله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الله تبارك وتعالى dans le sens du verset, et rappelez-vous aux femmes du prophète sallam, aux épouses du prophète sallam, les mères des croyants, et leur dit, et rappelez-vous de ce qui est récité dans vos demeures comme verset d'Allah et la hikmah, Et les ulama disent ici, al-hikma, c'est la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam. وقال عليه الصلاة والسلام إنما أوتيت القرآن ومثله معه. Et le prophète a dit, il m'a été donné le Coran et son semblable avec. وهناك فرقة تقول أنها فقط ترجع إلى القرآن وسموا بالقرآنيين وهم في الحقيقة ما اتبعوا القرآن لأنهم لو اتبعوا القرآن لوجدوا فيه الأمر بالرجوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفعلهم هذا ضلال مبين. Et il y a eu une secte qui se sont appelés les Coranites. Ils ont dit, nous, on ne retourne qu'au Coran. Mais en faisant cela, ils ne sont pas retournés au Coran. Puisque si réellement ils étaient retournés au Coran, ils auraient trouvé l'ordre de retourner au prophète alayhi salatu wassalam et à sa sunna alayhi salatu wassalam. Leur parole n'est que pur égarement évident. كيف تفهم القرآن بدون السنة؟ كيف تطبق القرآن بدون السنة؟ والقرآن تبينه السنة وتفسره السنة. Comment appliquer le Coran et le mettre en pratique sans la sunna du prophète عليه السلام؟ La sunna, elle vient à clarifier le Coran. La sunna vient à expliquer le Coran. من الذي علم القرآن لأصحابه هو النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي علم لأصحابه معاني الآيات القرآنية هو النبي عليه الصلاة والسلام. Qui a enseigné le Coran et l'a transmis à ses compagnons, radiallahu anhum, c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et qui a enseigné le sens des versets coraniques à ses compagnons, c'est le prophète, alayhi salatu wa sallam. لِأَنَّنَا نَقُولُ يقول الشيخ رحمه الله لأننا نقول ما جاء في السنة فقد أمر القرآن باتباعه. Car nous disons, comme le dit le Cheikh rahimahullah, ce qui nous est parvenu dans la sunna, le Coran nous ordonne de le suivre. كم من الآيات يقول الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Allah nous dit dans le sens du verset, et ce que le messager vous donne, prenez-le. Ce qu'il vous ordonne, accomplissez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah, car Allah est douloureux dans son châtiment. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Que craignent ceux qui vont à l'encontre de son ordre, l'ordre du messager, alayhi salatu wassalam, qu'un trouble ne les touche ou un châtiment douloureux. Man yuti'a ar-rasul faqad ata'a Allah. Celui qui obéit au messager ne fait qu'obéir à Allah. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers ainsi qu'à ceux qui ont le commandement parmi vous. Et si vous divergez sur une question, alors retournez-la à Allah et à son messager. Si vraiment vous croyez en Allah et au jour dernier, ceci est bien meilleur et de meilleures interprétations. قال أطيع الله وأطيع الرسول وما قال وأطيع أولي الأمر منكم فعل الطاعة أطيع فقط مرتين أطيع الله لأن طاعة الله مستقلة وطاعة الرسول أطيع الرسول مستقلة أما أولي الأمر وهم العلماء والأمراء فطاعتهم في طاعة الله ورسوله داخلة في طاعة الله ورسوله فما أعاد هذا الأمر لأن طاعة أولي الأمر وهم الأمراء والعلماء داخلة في طاعة الله ورسوله ثم قال فإن تنازعتم والنزاع يكون في الأمة والاختلاف يكون لكن ما هو الحل في هذه الحالة وهو أن نرجع هذا إلى الله وإلى الرسول الرجوع إلى الله إلى كتابه وإلى الرسول إلى ذاته عليه الصلاة والسلام في حياته وإلى سنته بعد مماته عليه الصلاة والسلام هذا هو أمر الله تبارك وتعالى Donc, ô vous qui avez cru, ô vous qui avez la foi, ô vous qui croyez en Allah et au jour dernier, Allah il les interpelle, obéissez à Allah. Il y a l'ordre d'obéir. Puis l'ordre d'obéir, il est répété. Et obéissez au messager. Pourquoi ? Parce que l'obéissance d'Allah, elle est indépendante. L'obéissance du messager, elle est indépendante. Puis, et ainsi qu'à ceux qui ont le commandement parmi vous, c'est-à-dire les gouvernants et les savants. Mais le verbe, l'ordre d'obéir, n'est pas répété. Pourquoi ? Parce que l'obéissance due aux gouvernants et aux savants, elle n'est due que lorsqu'elle est basée sur l'obéissance d'Allah et de son messager. C'est-à-dire qu'on leur obéit tant qu'on est dans l'obéissance d'Allah et de son messager. Donc il n'a pas répété l'ordre d'obéir. Puis, si vous divergez, et il y aura la divergence, il y aura la discorde entre les gens, quel est le remède ? Quelle est la solution ? À ce moment-là, c'est de retourner ces questions à Allah et à son messager. Retourner à Allah, c'est-à-dire au livre d'Allah. Retourner à son messager, à sa propre personne, de son vivant, alayhi salatu wassalam, et à sa sunnah, après sa mort, alayhi salatu wassalam. Si vraiment nous croyons en Allah, et au jour dernier, voilà ce qu'il nous est demandé d'accomplir. وَالَّذِينَ يَأْتُونَ بِحُلُولٍ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ هَؤُلَاء مُخَالِفُونَ لِهَدِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُخَالِفُونَ لِلْقُرْآنِ ومخالفون لهدي النبي عليه الصلاة والسلام كما تسمع فلنعمل فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه من أين جاءت هذه القاعدة ما أنزل الله بها من سلطان بعض الزعماء الأحزاب والفرق هم الذين جاءوا بهذا النوع من الحلول التي ما أنزل الله بها من سلطان بل الله سبحانه وتعالى قال فردوه إلى الله والرسول Et parfois, on voit des gens ramener des solutions pour mettre un terme à des conflits ou à des discordes ou à des divergences. Jamais Allah nous a donné ce genre de solution. Et ils sont en contradiction avec la guidée et la voix du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Mais ce genre de solutions ne proviennent que de certains leaders de sectes ou de mouvements quelconques. Comme cette parole qu'on entend par-ci, par-là, qu'on applique ce sur quoi on est d'accord et sur nos différends, chacun excuse l'autre. Jamais Allah n'a révélé ce genre de règles et jamais le prophète alayhi salatu wassalam l'a enseigné. Allah, il a dit, et si vous divergez sur quoi que ce soit, alors retournez-le à Allah et à son messager, au livre d'Allah et à la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. On verra il a hadith العرباض ابن سارية رضي الله عنه حينما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون حتى ظننا أنها موعظة مودع، فقلنا: يا رسول الله أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم أو وإن تولى عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا هذا هو المرض وهذا هو المشكل، هذا الاختلاف الذي سيقع، وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، وقد وقع، ولكن أعطانا الحل: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم هذا هو حل النبي عليه الصلاة والسلام، فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. العرباض ابن سارية رضي الله عنه دي le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم nous a fait une exhortation qui a fait frémir les cœurs, trembler les cœurs et pleurer les yeux. Alors nous avons pensé que c'était une exhortation d'adieu. Alors nous avons dit au messager d'Allah: conseille-nous, recommande-nous. Il leur a dit, alayhi salatu wassalam, je vous recommande la piété envers Allah. Je vous recommande la crainte d'Allah et d'écouter et d'obéir. Même s'il arrive que votre chef, celui qui est devenu votre chef ou celui qu'on a nommé pour vous comme chef, soit un esclave abyssin. Car celui qui vivra parmi vous, car ceux qui vivront parmi vous verront beaucoup de divergences et beaucoup de discordes. Un des signes de la prophétie de Mohammed a.s. Il a annoncé ce qui va toucher cette communauté. Les divergences et les discordes, ça c'est la maladie. Mais juste après, il nous donne le remède prophétique du prophète a.s. Car celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Alors, voilà le remède. Attachez-vous, cramponnez-vous à ma sunna et à celle de mes califes bien guidés qui viennent après moi. Mordez-la à pleines dents. Restez-y ferme. Ne laissez personne vous faire dévier de cette sunna ou de vous enlever de cette sunna. Mordez-la à pleines dents. Et attention, mise en garde, à toute nouveauté en religion. Car toute nouveauté en religion est une innovation. Toute innovation est un égarement. Et tout égarement mène dans le feu de l'enfer. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا وأمثاله الذي يقول هذا ليس في القرآن. Et le cheikh rahimahullah dit, et le messager sallallahu alayhi wa sallam a bien mis en garde, nous a prévenu contre ce genre de propos ou ce genre de personnes qui viennent avec ces propos et leurs semblables lorsqu'ils disent ceci, on ne le retrouve pas dans le Coran. فقال لا ألفين أحدكم على أريكته، يعني جالسا متبخترا متعاظما، يأتيه الأمر من عندي فيقول ما أدري ما كان في كتاب الله اتبعناه، أي وما لم يكن لا نتبعه، مع أننا نقول كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء في القرآن. Donc le prophète sallam nous dit dans son hadith que je ne trouve pas une personne parmi vous assise ou allongée sur son divan, c'est-à-dire une assise orgueilleuse. Hein? Et il est très fier de lui et il s'enfle d'orgueil. Et lorsque un ordre du prophète lui arrive, il dit « J'en sais rien. Ce qu'il y a dans le livre d'Allah, on le suit. » C'est-à-dire, et si on ne le trouve pas dans le livre d'Allah, on ne le suit pas. Alors que nous disons, le cher dit, que tout ce qui nous a rapporté, enseigné le messager, sallallahu alayhi wa sallam, le Coran est venu avec. لأن الله تعالى قال واتبعوه وهو عام في كل ما قال. Parce que Allah tabarak wa ta'ala dit dans le Coran, et suivez-le, suivez le prophète alayhi salatu wassalam, et c'est un ordre général qui comprend tout ce que le prophète sallam a dit. Rabi'an, quatrièmement, أن لا يقدم قول أحد من البشر على قول النبي صلى الله عليه وسلم. Qu'il ne fasse jamais passer la parole de quiconque devant ou au-dessus de la parole du prophète عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا لا يجوز أن تقدم قول فلان الإمام من أئمة المسلمين على قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأنك أنت والإمام يلزمكما اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. Et c'est pour cela qu'il n'est pas permis de faire passer la parole de quelqu'un, fût-il un imam parmi les imams des musulmans, un grand savant parmi les savants de l'islam, tu n'as pas le droit de passer sa parole devant ou au-dessus de la parole du prophète alayhi salatu wassalam, car il t'incombe à toi, ainsi qu'à cet imam, ainsi qu'à ce savant, il vous incombe la même chose. Vous tous, vous devez suivre le prophète sallallahu alayhi wasallam. Vous tous, vous devez être derrière le prophète sallallahu alayhi wasallam. Donc comment se fait-il que tu fasses passer sa parole au-dessus ou devant la parole du prophète sallallahu alayhi wasallam, alors que ce qui t'est demandé à toi, il est demandé à lui. Lui, il doit suivre le prophète et toi, tu dois suivre le prophète alayhi salatu wassalam. وما أعظم قول من إذا حاججته وقلت قال رسول الله قال لكن الإمام فلان قال كذا وكذا. Et quelle gravité lorsque tu discutes avec quelqu'un et que tu lui rapportes le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et lui de te répondre, ouais, mais l'imam un tel a dit ceci et cela. Il contre la parole du prophète par la parole d'un autre. Même si c'est un imam, même si c'est un savant, mais sa parole, elle ne passe pas avant la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. فَمَا بَالُكُمْ بِقَوْلِ الشَّيْخُ الْفُلَانِ الَّذِي لَيْسَ هُوَ إِمَامٌ فِي السُّنَّةِ وَلَيْسَ مِنْ كِبَارِ أَهْلِ الْعِلْمِ. فما بال داعي من الدعاة طالب علم ما بالكم بإمام مسجد وهذا ليس تنقص لهم بل هذه حقيقة. Là on parle de quelqu'un qui est un imam parmi les imams de l'islam. On ne peut pas mettre sa parole devant la parole du prophète. Que dire de la parole d'un prêcheur ou d'un shir qui n'a pas atteint ce degré, ou la parole d'un imam de mosquée qui n'a pas atteint ce degré. Et en disant cela, il n'y a aucun rabaissement ni dénigrement, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Kulluna hatta as-sahaba alladhina hum afdalun nas kana matlubun minhum an yattabi'u an-nabi alayhi salatu wassalam. Tous, nous tous, et même les compagnons que sont les meilleurs des hommes après les prophètes, eux aussi leur était demandé de suivre le prophète alayhi salatu wassalam. فهذه عظيمة جدا. Donc c'est une gravité très grave. إذ لا يحل لأحد أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من المخلوقين كائنا من كان. Car il n'est permis à personne de contredire la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle que soit la personne parmi les créatures que tu ramènes pour contrer la parole du prophète alayhi salatu wa salam. Hatta innahu dhukira an Abdillah ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qal yushaku an tanzila alaykum حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. Il est même rapporté de Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما qu'il dit: je crains, il est à craindre que des pierres vous tombent du ciel sur vous. Je dis, le messager d'Allah a dit, et vous me dites Abu Bakr et Omar ont dit. ومن إمام هذا الرجل المجادل بالنسبة إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. Donc toute personne qui viendrait à polémiquer, qui viendrait à discuter, en disant, en prétextant, oui mais un tel a dit, ce un tel, il est quoi par rapport à Abu Bakr et Omar? Subhanallah. Abu Bakr et Omar, أفضل الصحابة. أفضل الناس بعد الأنبياء. ولما هذا رجل من التابعين سأل عبد الله بن عباس عن مسألة في الحج فأجابه بالحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام فقال التابعي ما هكذا يقول أبو بكر وعمر فقال عبد الله بن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فعبد الله بن عباس un homme parmi les tabi'in l'a questionné sur une question concernant le hajj et lui a répondu par la parole du prophète sallam. Et cet homme a dit mais c'est pas comme ça que disent Abu Bakr et Omar. Et là Abdullah ibn Abbas a dit il est à craindre que des pierres vous tombent du ciel sur vous. Je dis le messager d'Allah a dit et vous me dites Abu Bakr et Omar ont dit. ما قبل منه هذا. Il n'a pas accepté de lui cela. والرجل استدل بأبي بكر وعمر. Alors que cet homme, il s'est argumenté par Abu Bakr et Omar. لماذا؟ لأنه ليس هناك أحد كلامه فوق كلام النبي عليه الصلاة والسلام. Car il n'y a personne dont la parole elle est au-dessus de la parole du prophète عليه الصلاة والسلام. خامسا cinquièmement معليش نزيد خمس دقائق طيب هنا تعطلنا شوي طيب ونرجو تنبو ان شاء الله parce que apparemment c'est l'heure طيب خامسا cinquièmement ان لا يبتدع في دين الله ما لم ياتي به الرسول صلى الله عليه وسلم سواء عقيده او قولا او فعلا cinquièmement il ne faut pas innover dans le cultuel, dans les actes d'adoration, dans le religieux. En inventant une chose, en ramenant une chose qui ne provient pas du messager, alayhi salatu wassalam, que ce soit dans le domaine dogmatique, ou que ce soit une parole, ou que ce soit un acte. Wa ala hadha fa jami'u al-mubtadi'in لم يحققوا شهادة أن محمدا رسول الله. Et de là, le cheikh dit, de là, tous les innovateurs n'ont pas réalisé l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne l'ont pas réalisé comme il se le doit. Car si tu réalises que Mohammed est le messager d'Allah, qu'il est l'envoyé d'Allah, tabaraka wa ta'ala, eh bien, tu n'inventes rien dans la religion d'Allah. Et tu n'amènes rien d'inventé dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. فالمبتدع كأنه يزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام خان الرسالة وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما بلغ الرسالة Car l'innovateur, c'est comme s'il prétendait que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a trahi le message. Que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas transmis tout le message. وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. Et Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas transmis son message. Et Allah te préservera, te protégera contre les gens. Certes, Allah ne guide pas les gens infidèles. Wa qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Et Allah nous dit dans le sens du verset, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Je vous ai comblé de mes bienfaits. Et j'agrée pour vous l'islam comme religion. ولهذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال له من أين أحرم للحج والعمرة؟ قال من ذي الحليفة. قال فماذا إذا أحرمت من المسجد؟ يعني من المسجد النبوي. قال لا تفعل أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها تقربا إلى الله. قال أخشى عليك أن تصيبك هذه الآية. ثم تلا قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا هذا أتظن أنك اختصت بشيء لم يختص به النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دين ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذا قول الإمام مالك رحمه الله. Un homme est venu le voir et il lui a dit, d'où est-ce que je me mets en état de sacralisation pour le Hajj ou la Umrah? Il lui dit, depuis Dhul Hulayfa, la limite, le miqat des Médinois et de ceux qui passent par Médine, Dhul Hulayfa, de là-bas tu te mets en état de sacralisation. Il lui a dit, et qu'est-ce qu'il y a si je me mets en état de sacralisation depuis la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, ne le fais pas, je crains pour toi le trouble. Et il lui a dit, mais quel trouble en cela? Ce n'est qu'une distance, dans notre langage, des kilomètres que je rajoute pour plus me rapprocher d'Allah. Et il lui dit, je crains que ce verset ne t'atteigne, que craignent ceux qui vont à l'encontre de son ordre, qu'un trouble ne les touche ou un châtiment douloureux. Ô un tel, crois-tu que tu as été spécifié d'une chose dont le messager d'Allah n'a pas été spécifié? Sache que ce qui n'était pas une religion à leur époque ne sera pas une religion aujourd'hui. Et les derniers de cette communauté ne pourront réussir que par ce quoi ont réussi les premiers de cette communauté. لأنهم هؤلاء المبتدعة زادوا في شرعه ما ليس منه. Pourquoi ils n'ont pas bien réalisé que Mohammed est bien le messager d'Allah? Parce que ils ont rajouté dans la législation et ils ont rajouté ce qui n'en fait pas partie. وَلَمْ يَتَأَدَّبُوا مَعَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et en faisant cela, ils ont manqué de respect au prophète عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. كَثِيرٌ نَسْمَعُهُمْ يَتَكَلَّمُونَ عَنِ الْآدَابِ وَالْأَخْلَاقِ الطَّيِّبَةِ الْحَسَنَةِ. هَذَا مَطْلُوبٌ وَهَذَا مِنَ الدِّينِ. والنبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن وقال له سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. Beaucoup on y va parler sur le comportement, sur les bonnes manières, les bonnes mœurs. Oui, et ça, ceci fait partie de l'islam. Et le prophète sallam, il est dit de lui, comme l'a dit Aïcha radiallahu anha, elle a dit son comportement c'était le Coran. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit de son prophète alayhi sallatu wassalam, et tu es certes doté d'un noble comportement. لكن قبل الآداب بين البشر وبين الخلائق عليك تتأدب مع رب السماوات والأرض وتتأدب مع كلامه سبحانه وتعالى وعليك تتأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتتأدب مع سنته عليه الصلاة والسلام. Mais avant tout, il te faut être quelqu'un de bon comportement vis-à-vis d'Allah, le Seigneur des cieux et de la terre. Tu te dois d'avoir un bon comportement envers ses paroles, son Coran, subhanahu wa ta'ala. Tu te dois d'avoir un bon comportement envers le messager, alayhi salatu wa salam, et envers sa tradition et sa sunna, alayhi salatu wa salam. طيب ونكتفي بهذا ولعل في هذا القدر كفاية وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.